Le piano par Henri Bachelin. Que faire dans une petite ville de 3000 âmes lorsqu'on a 50 ans et des rentes, à moins que l'on ne s'y ennuie? On est blasé sur le pittoresque des environs. On se demande ce que les touristes ont à rester bouche bée devant des rochers, des chênes et des sapins. On connaît les 4 ou 5 cafés, avec leurs immuables petites tables de marbre et leurs banquettes, dont on sent de plus en plus les ressorts sous le cuir. On ne peut pas toujours jardiner. Tantôt il fait trop chaud, tantôt trop froid. Il pleut, il neige. Et l'on en vient à regretter le temps où l'on allait et venait du matin au soir dans une boutique, où l'on se carrait sur le seuil, les mains dans les poches, avec la certitude d'être utile à la société. Et M. Charmeau se répétait. C'est dommage que mes affaires aient si bien marché. Des besoins d'activité grondaient en lui comme des chiens qu'il lui fallait tenir en laisse. Grand, vif, alerte, il se morfondait, seul, étant veuf depuis des années, dans cette maison qu'il s'était fait bâtir. On ne peut point passer sa vie à s'installer. On a beau ne ranger les meubles que pour ensuite les déranger, un jour vient où les meubles ont, eux aussi, besoin de se reposer, d'être casés une fois pour toutes. Un jardin, si fourni qu'il soit, d'arbres fruitiers et de fleurs, ne suffit pas à occuper une vie humaine. Un an après son emménagement, M. Charmeau s'était vu condamné à l'oisiveté. On n'avait même pas, une fois la semaine, la distraction d'écouter une musique, militaire ou municipale. Les phonographes étaient encore inconnus. Dans toute la petite ville, il y avait un total de 5 pianos, et M. Charmeau aimait la musique. Or, il arriva que le receveur de l'enregistrement qui possédait un de ces 5 pianos, et dont le meilleur, dut s'en aller à 300 lieues d'ici. Jamais les corps ne résisteraient à un pareil voyage. Il parla de le vendre. Ce fut M. Charmeau qui l'acheta. D'abord, dans une maison bourgeoise qui se respecte, il doit y avoir un piano. Puis cela lui vaudrait des visites. Il prononçait des invitations. Quelques jeunes femmes, qui jadis au pensionnat des sœurs, avaient appris à monter, descendant des gammes le plus possible dépourvues d'accidents, seraient heureuses, sans doute, de venir jouer une valse, une polka. Ce fut à partir de ce jour que s'accrut l'importance de M. Charmeau. Certes, on avait déjà du respect pour les billets de 1000 francs, qu'il avait su amasser au cours de 30 années de commerce de vin en gros. Mais on allait peu chez lui. Des mères de famille, alors, se mirent à lui faire, comme on dit, des avances. Chacune d'elles avait une fille que l'on destinait vaguement au conservatoire. Parce que, disait le professeur de musique, elles avaient des dispositions. On ne doutait point qu'elles ne dussent, dès leur arrivée à Paris, éclipser toutes leurs rivales. Mais le malheur était que l'on ne fut pas assez riche pour leur acheter à chacune un piano. On a beau être doué, n'est-ce pas, madame? Si l'on ne peut pas faire d'exercice, les doigts se rouillent. Et tout de suite, on avait pensé qu'il se dérouillerait sur le piano de M. Charmeau. Mais la plus heureuse de toutes fut sans contredit Mme Roland, à cause de sa fille Juliette. Elles s'entendaient admirablement. Elles étaient toutes les deux sentimentales et romanesques, jusqu'à pleurer ensemble sur le même roman, lorsque l'héroïne menace de mourir. Mme Roland avait eu, jadis, des prétentions aux belles manières, au style raffiné. Puis, ayant épousé un petit fonctionnaire, elle avait fini par ne plus s'occuper que de son ménage. Mais elle rêvait de faire de sa fille une grande artiste. On pouvait se demander pourquoi Juliette portait encore des jupes courtes. C'était sans doute par économie, car elle avait 16 ans et n'avait même pas attendu cet âge pour grandir. Ses yeux étaient ceux de ces jeunes filles pour qui la vie s'annonce comme un joli rêve. Et elle avait encore gardé de la petite fille ses cheveux tressés en une natte qui tombe plus bas que la nuque. Presque tout de suite, l'affaire, si l'on peut ainsi parler, fut conclue. La maison des Roland était toute proche de celle de M. Charmeau. Juliette viendrait chaque après-midi. Elle apporta ses cahiers de musique. C'était au rez-de-chaussée dans une pièce ombreuse et fraîche qui donnait sur un coin du jardin planté de fleurs. L'été s'annonçait magnifique. Et M. Charmeau, étendu sous une tonnelle, une cigarette aux lèvres, écoutait Juliette, en regrettant de n'avoir jamais appris la musique. Le quartier qu'endormait la torpeur de l'après-midi secouait un peu sa paresse, comme une poule qui sort en bâillant de son trou de poussière, et écoutait le piano. M. Charmeau se rengorgeait. C'était un peu comme si lui-même, il eût joué ses polkas brillantes, ses valses sentimentales. Il affectait la plus grande discrétion, évitant d'entrer, de peur de troubler Juliette. Madame Roland venait dans le jardin lui tenir compagnie, et aussi pour entendre de plus près sa fille à qui elle criait, la fenêtre étant toujours ouverte pour que tout le monde pût admirer « Juliette, joue-nous donc la prière d'une vierge !» C'était le morceau préféré de M. Charmeau. Pour le pouvoir jouer, il aurait donné la moitié de sa fortune. Et Juliette, docile, entamait le prélude. Elle-même, elle arrivait à s'enthousiasmer. Rêverie des soirs d'été quand la lune palpite entre les branches des tilleuls et que les peupliers tremblent au-dessus des ruisseaux. Sanglots que la solitude de l'automne, peuplée de feuilles mortes à traverser par la bise, fait monter à la gorge. Extase de toutes les jeunes filles qui voient venir à elles, de l'horizon violet, l'amour vêtu de blanc. Tout cela, pour elle, était dans cette prière. Et tout cela commença à y être pour M. Charmeau. Pourtant, ce n'était pas un sentimental. Toute sa vie avait été consacrée aux affaires. Et voici qu'à 50 ans, il se sentait devenir amoureux de Juliette, qui portait encore des jupes courtes. Mais il pousse bien des violettes en automne. Il se mit à inventer des prétextes pour ne pas rester au jardin. Il était heureux lorsque Mme Roland ne venait pas. Il entrait, disant « C'est très bien, mademoiselle Juliette, vous faites des progrès étonnants. » Il allait, venait, nerveux. Quelquefois, elle se retournait, cessant de jouer, et lui disait « N'est-ce pas que c'est joli, monsieur Charmeau ?» Un après-midi qu'ils étaient seuls, au passage le plus pathétique, il ne put se retenir. Debout derrière elle, il se pencha pour l'embrasser. Mais il n'avait pas l'habitude, et maladroit, il mit son baiser sur la natte de cheveux. Elle ne sentit rien, ne s'émut pas, continua de jouer. Mais Madame Roland, qui entrait dans le jardin, avait tout vu. Elle se précipita comme se précipitent les mères dans les romans. « Monsieur, dit-elle, vous outragez ma fille !» Elle eut souri d'attendrissement au spectacle de quelques beaux jeunes hommes, enivrés de musique, se penchant sur Juliette pour lui baiser le front et accourant aussitôt après demander sa main. Mais M. Charmeau, avec ses cheveux gris, fit donc. Il paya d'audace. « Vous vous trompez, madame. Jamais je n'ai eu l'intention. Ne mentez pas, monsieur. Je vous ai vu. Juliette, allons. Prends ta musique. Eh bien. » Juliette s'est élevée, ahurie. « Qu'est-ce que tu as, maman ? » dit-elle. Mais Madame Roland fit un geste. Elle dut obéir. « À votre gré, madame, » dit M. Charmeau, rouge d'émotion. Elles partirent. Les cordes du piano vibraient encore, mais de moins en moins. D'un geste sec, il rabattit le couvercle, et cela fit comme le bruit d'un cercueil que l'on ferme, où le seul rêve d'amour que jamais fait M. Charmeau allait dormir. Et sans doute, dans quelque temps, peu à peu, comme les vibrations des cordes, mourir. C'était « Le piano » par Henri Bachelin.